إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، avant de commencer donc ce cours, je voudrais m'excuser pour le retard, ce qui n'est pas mon habitude. J'avais des ouvriers à la maison, donc c'était indépendant de ma volonté. À la Kulihal. Le cours numéro 18, donc les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, expliqué par le noble savant et l'éminent savant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. On est arrivé à un nouveau chapitre qui a pour titre « Qaboulu Tawbati Ta'ib ». Qaboulu Tawbati Ta'ib. L'acceptation du repentir de celui qui se repent. قال أي قال الإمام أحمد الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مسر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Donc l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Usul Sunnah, les fondements de la Sunna, il dit « et ». Et comme on avait dit, chaque fois qu'on dit « et », c'est-à-dire que c'est une conjonction de coordination, c'est coordonné avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire « et fait partie des fondements de la sunna ». Et on les a cités les uns après les autres, parce qu'on arrive maintenant à dire quoi ?« Wa man laqiya Allah ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala ». Donc « et », celui qui rencontre Allah ayant commis un péché, qui lui aurait rendu l'enfer obligatoire, mais dont il s'est repenti sans persister sur ce péché, et bien quoi? Alors Allah lui pardonne et il accepte le repentir de ses adorateurs et pardonne les mauvaises actions. Évidemment, il faut lier ça au chapitre qu'il y avait juste avant, qui était précédent, qui avait pour titre quoi? La nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wa la nar. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça, inshallah. Maintenant, l'explication de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala par rapport à ce point-là, il dit وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ تَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارَ تَائِبًا غَيْرَ مُسِرٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire qu'il reprend la parole de l'imam Ahmed pour l'expliquer, évidemment. Et il dit quoi? حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et celui qui rencontre Allah, ayant commis un péché qui lui aurait rendu l'enfer obligatoire, mais dont il s'est repenti, et sur lequel il n'a pas persisté, c'est-à-dire qu'il s'est repenti de cela, il n'est pas resté sur ce péché-là, Allah, Azza wa Jal, alors lui pardonne. Puis c'est un verset du Coran. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Surat Zumar, verset 53. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Et c'est surat Zumar, verset 53. Et puis Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il continue en disant « Wallahu yuhibbu at-tawbata, wa yuhibbu at-tawwabin, wa yuhibbu al-mutatahhirin, wa nahnu narju lit-ta'ibi, wa la naqta'u lahu bi jannatin wa la nar. » Vous comprenez pourquoi j'ai lié ça au chapitre précédent, hein? « Narju lahu insha'Allah. » Donc Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, il dit « Et Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir. Et il aime les repentants. Et il aime ceux qui se purifient. Et nous, nous espérons pour le repentant. » Mais nous n'attestons pas, à son sujet qu'il est au paradis, ni qu'il est en enfer. On a vu pourquoi, dans le dernier cours, on avait terminé d'ailleurs sur une parole de qui? De Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullah alayh. Et Cheikh, il continue en disant, nous espérons pour lui, si Allah le veut, narju lahu, insha'Allah. Puis il continue en disant « Yaqbalu at-tawbata an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at », c'est-à-dire reprend-le la suite de la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, كما ورد في القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يقبل توبة التائبين ويفرح بها. Il dit, et il accepte le repentir, c'est-à-dire qui Allah subhanahu wa ta'ala, de ses adorateurs, et il pardonne les mauvaises actions. Comme cela a été rapporté dans de nombreux textes du Coran et de nombreux hadiths qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir des repentants et il s'en réjouit subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Maintenant, on a un autre chapitre qui a pour titre Al-Hudud Kaffarat Wal-Musirru Taht Al-Mashi'ah. Donc, si vous avez suivi, vous voyez le lien, encore une fois. Al-Musirru, Taht Al-Mashi'ah, Al-Hudud Kaffarat. C'est quoi le nouveau chapitre ? Eh bien, les peines légales, Al-Hudud, sont des expiations, Kaffarat, et celui qui persiste sur les péchés, ce qu'on appelle Al-Musir, hein, Al-Ma'siyah, Al-Kabira, d'accord ? Al-Musir, celui qui persiste sur les péchés, eh bien, il est sous la volonté, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord ? Qu'est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah il dit ? Écoutez, dans la, on est dans quoi ? Dans ce qu'on appelle le matn. D'accord ? C'est-à-dire souvent, les ulama, dans les livres, ils mettent soit, ils mettent sad, et puis après ils mettent shin. Pourquoi ? Sad pour le musannif, et shin pour al-sharih. Hein ? On peut dire aussi mim pour al-matin, ou bien al-matin, hein, etc. D'accord ? Donc ici, on parle du matn, de kalam, le musannif rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire la parole de l'imam. Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit wa qala, yani qala, yani l'imam Ahmed, menace la parole de l'imam Ahmed, wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi hadd dhalika adh-dhanbi fi ad-dunya fa huwa kaffaratuhu. Kama ja'a fi al-khabar 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhunub allati istawjaba biha al-'uqubata fa amruhu ila Allah azza wa jalla. In sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lahu. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun 'adhabahu. ولم يغفر له صلى الله عز وجل انا اعوذ بالله من ذلك صلى الله عز وجل يعفينا من ذلك جميعا. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit et celui qui le rencontre en ayant subi la peine légale prescrite pour ce péché dans le bas monde, eh bien c'est une expiation de ce péché pour lui, comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui le rencontre en ayant persisté sur ses péchés sans être repenti de ses péchés, en raison desquels il mérite le châtiment, son affaire revient alors à Allah. On est toujours dans la parole du Cheikh de l'imam Ahmed rahimahullah. On va citer les hadiths plus tard, mais là on est toujours dans la parole de l'imam Ahmed. Donc je répète ce passage-là pour que ce soit clair. Et celui qui le rencontre en ayant persisté sur ses péchés, sans être repenti de ses péchés, en raison desquels il mérite le châtiment, son affaire revient alors à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la réponse elle est dans la suite de l'imam Ahmed. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Et celui qui le rencontre en étant mécréant, il le châtie et ne lui pardonne pas. Explication de Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala de ce point-là, de ce chapitre-là, si vous voulez. وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلِيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maintenant, il va expliquer Cheikh Rabi', يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه فقال أنا تبايعوني أو قال بايعوني على أن لا يحمك الله بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في المعروف. يعني بيعة النساء. قالوا بايعناك على ذلك. قال فمن وفى. J'ai vu qu'il y a dans certaines voyages c'est faman wafia. Et pourquoi j'ai dit wafa? Parce que l'imam Nawawi rahimahullah dans Sharh Sahih Muslim il dit بتخفيف الفاء. فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi' en guise d'explication de ce passage-là? Il dit, il rapporte d'abord la parole de l'imam Ahmed, il dit, et celui qui le rencontre, c'est-à-dire qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, ayant subi la peine légale prescrite pour ce péché dans le bas monde, eh bien c'est une expiation de ce péché pour lui. Comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ عبد العزيز الراجحي كونفوي سور سون سيت اوفيسيال سور الشرح دو الحديث يدي والله اكرم من يعذبه مرات الله عز وجل اللي بلو كوا اكرم دو لو شاتي كومبيان فوا دو فوا بور لو ميم بيشي داكور كومبريني ici on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un instant inchallah. Donc on a dit quoi? Il a dit que c'est une expiation de ses péchés pour lui, comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au sein d'un groupe parmi ses compagnons. Comme il a dit ici, « Kana fi ta'ifatin min ashabihi ». Et il dit, « N'allez-vous pas me prêter allégeance ?» Ou a dit, « Prêtez-moi allégeance sur le fait que vous n'associerez rien à Allah, et que vous ne volerez pas, et que vous ne forniquerez pas, et que vous ne tuerez pas vos enfants. Et que vous ne... » Et là, on va devoir expliquer un petit peu. « Wa la ta'atu bi buhtanin bayna aydikum wa arjulikum. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On pourrait le traduire par dire « Et que vous ne forgiez pas un mensonge devant vous ou derrière vous. » Alors, on va voir une explication d'un savant qui va nous permettre de traduire correctement, inshallah. Mais c'est le cheikh que je viens de citer, c'est Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, hafidahullah ta'ala, parmi les chiens d'Arabie Saoudite et parmi les grands élèves de Cheikh Abdelaziz Ben Baz rahmatullah alayh. Il dit le Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi hafidahullah ta'ala, wa huwa kullu ma khalafa ash-shar' min al-ithm bayna aydikum wa arjulikum ay amamakum aw khalfakum ka iftira' al-kadhib 'ala Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam aw al-iftira' 'ala an-nas. Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi explique ce hadith. Et l'explication, comme je l'ai dit, elle est disponible sur son site officiel, le site du Cheikh, en disant que c'est tout péché qui transgresse la religion. Il a dit « Kullu ma khalafa ashar'a min al-ithm » devant eux ou derrière eux, comme le fait de forger des mensonges quant à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou forger des mensonges sur les gens. Maintenant, on continue quoi? On a traduit ce petit passage du hadith, on continue le hadith. Et ne me désobéissez pas au sujet de ce qui est convenable. Qu'est-ce que dit le prophète ﷺ ? Wa la ta'souni fi ma'roufin. Et ne me désobéissez pas au sujet de ce qui est convenable. C'est-à-dire, comme l'a dit Cheikh Rabi ici, yani bi'at al-nisa, l'allégeance des femmes. On va aller voir dans un instant, on va rapporter ce que dit Cheikh Obeid par rapport à cette bi'at, etc., pour que vous compreniez plus, qu'on illustre mieux. Hein? Parce qu'on ici, on parle d'un point de l'aqida, mais c'est important de comprendre. Pourquoi ce hadith a été cité, qu'est-ce qui tourne autour de ce hadith, et pourquoi est-ce qu'il a été rapporté, dans quelle situation, etc. Pour mieux comprendre les choses. Et donc, Cheikh, il dit, Rabi' Fidaullah Ta'ala, il continue dans l'explication de ce hadith, et il dit, c'est-à-dire l'allégeance des femmes. Ils dirent, nous te faisons allégeance là-dessus. Et il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui parmi vous qui respecte cet engagement, Allah a promis de le récompenser. Et celui qui commet l'une de ses désobéissances et est châtié en raison de cela dans ce bas monde, c'est alors pour lui une expiation. Vous avez compris pourquoi il a rapporté ce hadith ici, dans le cadre de ce chapitre. Et ici, quand je traduis, souvent ou presque tout le temps, j'essaie de vous dire pourquoi je l'ai traduit de cette manière-là. Ici, quand j'ai traduit par « Allah a promis de le récompenser », c'est par rapport à ce qu'il a dit ici « Fa'ajruhu alallah ». Il faudrait faire une fois peut-être un plus de détails par rapport à Allah. C'est-à-dire que c'est tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est Allah qui a promis, mais il n'y a personne qui peut rendre obligatoire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a promis tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour ça qu'on a traduit de manière très simple en disant quoi? Allah a promis de le récompenser. Donc on disait que. Et celui qui commet l'une de ces. Celui parmi vous qui respecte cet engagement, Allah a promis de le récompenser. Et la suite du hadith, écoutez bien. Et celui qui commet l'une de ces désobéissances et est châtié en raison de cela dans ce bas monde, c'est alors pour lui une expiation. Et celui qui commet l'un de ses péchés et qu'Allah cache cela, satarahu Allahu alayhi, alors son affaire revient à Allah. S'il veut, il lui pardonne et s'il veut, il le punit. Le hadith, il est clair par rapport à ce qu'on vient de rapporter. Vous allez voir que c'est un hadith qui est souvent cité chez les gens de la sunna comme preuve par rapport à cette messe alala. Vous retournez à Cheikh Obeid, vous retournez à Cheikh Ali al-Haddadi. D'ailleurs, je vous ai préparé presque 7 ou 8 pages en français pour de Cheikh al-Haddadi, parce qu'on va, je vais vous expliquer pourquoi après, Inch'Allah, sur ce point-là. Vous revenez dans les shuruhat de ce hadith ou dans les surahs de l'aqidah des ulama, vous allez voir que c'est un hadith qui est souvent cité dans ce cadre-là. D'accord ? Je vous donne la référence du hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 3893 et Muslim numéro 1709, et c'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh. Alors je vous ai rapporté quelques bénéfices de ce hadith. Premier bénéfice, 1709. La référence elle est en bas dans ton livre aussi. Quelques bénéfices au sujet de ce hadith. Cheikh Abu al-Jabiri, hafidahullah, il dit dans son explication de Sahih al-Bukhari, que vous pouvez retrouver sur miras.net, c'est un site que je vous recommande vivement parce que c'est un site où il n'y a que des chouchs salafis, un très bon site, qui travaille avec le Mashir et c'est des frères qui sont en Arabie Saoudite qui s'occupent de ce site-là. Et donc, dans ce site-là, miras.net, dans le charh de Sahih al-Bukhari, l'explication de Sahih al-Bukhari, Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit Tasmiyatu bay'at bi bay'at al-aqaba thaniya li'an al-aqaba hasala 'indaha bay'atan. Bay'at بيعت من ستة رجال ثم من قبل قدم أناس من المدينة وقالوا أن عددهم 73 رجلا وامرأتان. L'allégeance d'Al-Aqaba. Car il y a eu à cet endroit deux allégeances. L'une de 6 hommes et l'une d'un groupe de gens venant de Médine, et ils ont dit que leur nombre était de 73 hommes et de 2 femmes. D'accord ? ثم ذكر الحديث وقال وهي بيعة الإسلام ويملكها الإمام فمن أسلم على يديه رجال أو نساء من الدعاة إلى الله لا يملك هذا وإنما يعلمهم الإسلام حتى يلتزموا به ويبدأ بالشهادتين ثم يعلمهم أو يعلمهم بقية الخصال الخمسة ويعلمهم شرائع الله شيئا فشيئا. Donc ça c'est un point très important, c'est pour ça que j'ai voulu le rapporter. Cheikh Abu al-Jabiri, il attire notre attention sur un point important, il dit, puis il a cité le hadith, il dit, et c'est l'allégeance de l'islam. Et celui qui détient cela, c'est ce qu'on appelle l'imam al-Adam, c'est l'imam, c'est le gouverneur. Donc celui parmi les prédicateurs qui appelle à Allah, auprès de qui des hommes et des femmes se convertissent, ne détient pas cela. Et il ne fait que leur apprendre l'islam, afin qu'ils s'attachent à le pratiquer, et il commence par enseigner les deux attestations de foi, puis il leur apprend le reste des 5 piliers, et il leur apprend ensuite les législations de l'islam petit à petit. Ça, c'était un point. Et il continue d'ailleurs en disant Amma l'imam al-A'dam, huwa alladhi yamliku hada, wa la a'dama min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi dhalika al-waqt. Wa hadhi al-bay'a tadammanat i'ta' al-ahd wa al-mithaq ala tark al-usul al-munkarat wa al-atham wa a'damuha. Cheikh Abu al-Jabiri continue ce beau bénéfice en disant que, tandis que le chef suprême, le gouverneur principal, d'accord, c'est lui qui détient cette allégeance, d'accord, et il n'y avait pas plus grand que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Et cette allégeance comprend l'engagement et le pacte de délaisser les fondements des turpitudes et des péchés, dont le plus important point du pacte, et de délaisser l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh il dit, il y a un point important ici, il dit, et cela doit obligatoirement être conditionné, restreint si vous voulez, yuqayyad ma'a ibadatillahi wahda. C'est-à-dire que ça doit être restreint, conditionné par le fait de vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième Cheikh que j'ai voulu vous rapporter, c'est l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et là, pourquoi ? C'est pour faire une petite transition par rapport à ce qui va arriver après. En fait. C'est pour ça que j'ai voulu le rapporter. L'imam Nawawi, rahimahullah, dans Al-Minhaj, qui est le charh de Sahih Muslim Al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, il dit « Wa fi hadha al-hadith fawa'idu, minha tahrimu hadhihi al-madhkurat, wa ma fi ma'naha, wa minha ad-dalalatu li madhhabi ahli al-haqqi, an al-ma'asi ghayr al-kufr, la yuqta'u li sahibiha bin-nar, idha mata wa lam yatub minha, bal huwa bi mashi'ati Allahi ta'ala. » إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة. On va voir pourquoi inshallah plus tard dans le cours, et en grande partie on va dire 80% inshallah et 20% pour le prochain cours inshallah, c'est quoi la position des gens de la sunna par rapport à Murtakab al-Kabira et ce qui leur oppose. Sont trois groupes, deux dans le côté extrême, c'est qui Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, et un du côté laxiste, c'est qui Al-Murji'a. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Nawawi rahimahullah dans Sharh Sahih Muslim? Il dit il y a dans ce hadith des bénéfices. Parmi eux, l'interdiction des choses citées dans le hadith. Et de ce qui a le même sens. Et il y a aussi l'indication, c'est pour ça que Shirabou, déjà, qu'est-ce qu'il a dit Shirabou, il a dit le fondement des turpitudes et des péchés. Et il y a aussi l'indication sur le madhab des gens de la vérité, que les désobéissances en dehors de la mécréance, on n'atteste pas au sujet de celui qui les commet, qu'il est en enfer. S'il meurt sans s'en être repenti. Mais de plus, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit encore une fois? Maintenant, vous devriez être capable de répondre. C'est quoi sous la volonté d'Allah? S'il veut, le châtie. Et s'il veut, il lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. Alors, vous connaissez sûrement cette parole de Mashir. Ils disent, Insha'a ghafara lahu fadlan minhu wa insha'a azzabahu adlan minhu. Si Allah, il veut, subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne comme un bienfait de sa part, subhanahu wa ta'ala, une miséricorde de sa part. Tandis que s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il le châtie, et ce, par justice de sa part, subhanahu wa ta'ala. Donc on continue ici ce point-là. Je répète encore une fois, mais de plus, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. À l'opposé de ce que disent Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Fin de citation de l'imam An-Nawawi rahimahullah dans l'explication de ce hadith de Sahih Muslim. Pour les frères qui, et les sœurs qui veulent, comme je dis toujours, ya ikhwa ou akhawat, il faut absolument qu'un enseignant, quand il enseigne, c'est qu'il donne des clés de compréhension et des clés de recherche aux élèves, même si je ne me considère pas comme un shir, mais aux gens à qui donnent cours. Pourquoi? Parce que vous devez petit à petit, les gens petit à petit doivent développer cette capacité de quoi? De recherche et de compréhension. D'accord? Donc il faut, comme je vous l'ai dit, parmi les clés que je vous ai toujours données, c'est quoi? C'est que quand on cite des références, il faut absolument aller voir dans ces livres de références ce passage-là à la lumière de ce qui a été vu dans le cours. Et c'est comme ça que tu te construis. Et on ne peut pas... Il faut faire l'effort, il faut aller chercher, et il y a beaucoup de fawaïd de ça. Parmi les fawaïd qu'on peut citer, c'est le fait d'apprendre à connaître les livres. C'est le fait d'apprendre à chercher dans les livres. Peut-être que posez-vous la question, moi je ne veux pas de réponse, mais posez-vous la question. Si quelqu'un vous demande de chercher un hadith dans Sahih Muslim, est-ce que vous vous sentez capable de le trouver ou pas? La réponse, on la garde pour toi. On a dit, on ne veut pas de réponse. Chacun, il se pose lui-même la question. Le but de cette question-là, ce n'est pas de mettre les gens mal à l'aise, c'est de quoi? De faire réfléchir. Donc chacun, il se la pose à lui-même, et chacun, il trouve la réponse à lui-même. D'accord? Si je pense que je trouve un hadith, est-ce que je peux trouver le livre où il est? Est-ce que je peux trouver l'explication de ce hadith-là? Comment est-ce que je peux me débrouiller? D'accord? À la Kulihal, donc je dis pourquoi je dis ça, parce que le hadith ici, il est dans Bukhari, Kitab Manaqib al-Ansar, Bab Wufud al-Ansar il Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Mekka wa bi'at al-Aqaba, et dans Muslim Kitab al-Hudud, Bab al-Hudud kaffarat li ahliha. Vous avez entendu le chapitre? Bab al-Hudud kaffarat li ahliha. Chapitre de quoi? Que les peines légales prescrites sont des expiations pour les gens qui les subissent. Donc c'est important d'aller voir dans les explications de l'ulama. Vous avez l'explication de Cheikh Mohamed ibn Adam, Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam, l'Éthiopie, qui n'est pas encore complète, je sais, mais elle fait déjà 18 volumes. Sinon, il y a un autre Cheikh l'Éthiopie qui l'a déjà fini en 26 volumes. Sinon, il y a l'explication de référence de l'imam Nawawi rahimahullah, qui s'appelle Al-Minhaj. Al-Minhaj. Ala kulli hal. Un petit point ici que je voulais vous dire, et j'ai dit, et nous verrons à la fin du cours, Inch'Allah, plus de détails sur la position des gens de la vérité, les gens de la sunna, les salafis, sur le croyant qui commet des grands péchés, ainsi que les positions de ceux qui les opposent parmi les gens de l'innovation, comme j'ai dit qui? Al-Mu'tazila, Al-Khawarij et Al-Murji'a. Maintenant, pour ne pas qu'on perde le fil, on va d'abord terminer ce chapitre-là, et on retourne donc à l'explication de Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi', il dit, فالعاصي تحت on a donc rapporté les hadiths maintenant, d'accord? Et maintenant on continue l'explication. فالعاصي تحت مشيئة الله كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء. وفي هذا إذا مات العاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فهو الغفور الرحيم الحليم سبحانه وتعالى. حتى إن العبد لا يأتي بأمثال الجبال من الذنوب فيعفو الله عنه. صاحب السجلات الذي جاء بالذنوب جاء بتسعة وتسعين سجلة كل منها مد البصر وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه. هذا حديث وانا جاء بوقت التخريج précédemment. Qu'est-ce que Cheikh Rabi' dit ici, حفظه الله تعالى, il dit: il y a en cela que si le désobéissant, en cela, c'est quoi en cela? Si vous ne savez pas répondre, c'est que vous ne suivez pas le fil des idées. Cheikh Rabi' dit: il y a en cela. C'est quoi? Il y a en cela. Il y a dans le hadith qu'on vient de citer, tout simplement. Il y a en cela que si le désobéissant meurt, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtie. Il est très pardonneur. Il est le très pardonneur, le tout miséricordieux, le très indulgent, subhanahu wa ta'ala. À tel point que le serviteur commet comme des montagnes de péchés et Allah les lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. Celui avec les registres qui est venu avec 99 registres, c'est elle est très connue dans la aqida chez les gens de la sunna, plein de péchés, chacun d'entre eux a porté de la vue. Et il est venu avec la parole quoi? La ilaha illallah. Qui connaît ce hadith? Qui sait me parler un petit peu de ce hadith? Juste dire dans quel cadre, j'ai failli dire le mot, hein, où est-ce qu'elle était la ilaha illallah et où est-ce qu'étaient les registres, etc. Vas-y. Voilà, d'accord. Et donc il y avait les registres d'un côté. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. Hein, jusqu'à ce qu'il a pensé qu'il était quoi? Il était perdu. Et Allah lui a dit quoi? Hein? As-tu une bonne hasanat? Hein? Et lui, il a cru que quoi? Qu'il était? Qu'il était perdu. Et alors, la carte, le bitaqa, qu'on appelle, hein? Le bitaqa, avec marqué quoi? La ilaha illallah. Eh bien, elle a été mise sur là. Et donc, elle a emporté sur le reste. D'accord? Pour ça, c'est mieux dans les traductions de rester sur bitaqa alayha. Bitaqa, comment ils traduisent ça dans les livres de français dans l'aqida? Ils traduisent ça par carte, non? Carte, hein? Ok. Alakulihal. Donc, il dit ici qu'il est venu avec la parole la ilaha illallah et Allah lui pardonne. Et nous avons déjà cité la référence de ce hadith précédemment. Donc, vous voyez l'importance de l'unicité de Tawhid. D'ailleurs, un des livres que je voudrais vraiment faire ici à la mosquée, inshallah, quand on nous donne la facilité de faire ça, c'est le livre de Shurut la ilaha illallah avec l'explication de Cheikh Oubel Jabiri. Hein? Shurut la ilaha illallah, c'est très très important. L'unicité et aussi Kitab Tawhid et Usul Talata, on l'a déjà fait, alhamdoulilah, et d'autres livres sur le Tawhid. C'est une caractéristique des gens de la Sunna, c'est qu'ils commencent leur da'wah par ce avec quoi le prophète a commencé, c'est-à-dire le Tawhid. Et ils se basent essentiellement sur l'appel au Tawhid et le combat contre le shirk et la mise en garde contre le shirk. Et Cheikh, il dit, celui qui est sur l'unicité et rencontre Allah, le muahid alladhi yalqa Allah ghayr mushrikin fi an-nihayat lahu al-ghufran wal-ikhraj min an-nar. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun 'adzabahu lam yaghfir lahu. Et puis c'est un verset du Coran qui est: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sourate Al-Ma'idah. Donc Cheikh, il dit, celui qui est sur l'unicité et rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé, à la fin pour lui, c'est le pardon et il est sorti du feu. Vous suivez ou pas ici? Donc maintenant, qui sait me résumer la position des gens de la sunna? Je vais d'abord terminer, comme ça je vous aide un peu, Inch'Allah. Et puis il dit, et celui qui le rencontre en étant mécréant, il le châtie et ne lui pardonne pas. Puis c'est un verset dont la traduction du sens est: certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate Nisa, verset 48, il n'y a pas le numéro ici si vous voulez, c'est 48. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit, c'est un autre verset: Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secours. Surat al-Ma'ida, verset 72. Alors c'est quoi la position des gens de la Sunna par rapport aux différentes catégories de personnes? Celui qui meurt en étant mouchrik, d'accord. Il meurt, il est mécréant, qu'est-ce qui lui arrive? Il reste en enfer un petit temps ou éternellement? Éternellement, sahih, ahsan, c'est juste. Maintenant, donne-moi une autre catégorie de personnes. Celui qui meurt, qui est mouahid, qui est sur l'unicité, mais il a des... Par exemple, comme il a dit ici, par exemple, il a fait une kabira, yak, hein, un grand péché. Ou, des fois, ils disent péché majeur. C'est un grand péché, péché majeur, d'accord. C'est quoi les différentes situations? Je vais le dire, mais c'est quoi les différentes situations ici? Non, d'abord, avant ça. Voilà, donc on a dit quoi? Il y a celui qui est croyant, qui est mort sur l'unicité, c'est évident, d'accord? Et il a commis des grands péchés, mais ça n'est pas repenti avant de mourir. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. On est d'accord, hein? C'est juste ou pas? Quelqu'un qui n'est pas d'accord ici, hein? Autre catégorie? Ou autre situation, si vous voulez. Qui c'est? Celui qui a commis un grand péché, mais qui s'en est repenti avant de mourir. Celui qui est mort sur l'unicité et qui s'en est repenti avant de mourir. De ses grands péchés. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a dit que Allah, il pardonne les péchés. Il n'y a pas d'autre situation? Hein? Celui qui a eu l'appel légal, c'est-à-dire il a commis un grand péché, et le had, l'appel légal prescrit lui a été appliqué, et regardez, si vous regardez, regardez le chapitre suivant, regardez, شرعيات إقامة الحدود الرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. S'il reconnaît lui-même, ou que la preuve a été dressée contre lui. D'accord? Maintenant, l'appel légal prescrit a été appliqué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une expiation de ses péchés. C'est quoi ton dalil, mon frère? Oh, t'as dit quelque chose, il faut ramener un dalil maintenant, mon frère. Nous, on parle comme ça, avec dalil. Il n'est pas dans le Bukhari, il est dans le Muslim. Ouais. Donc, il est dans le Bukhari et Muslim. Donc, il est daif. Non, il est sahih, on est d'accord, il est sahih. Vas-y, continue. Il est sahih. Et qu'est-ce qu'il dit, ce hadith? Non, le sens, qu'est-ce qui... Parce que maintenant, regarde, tu m'as dit quelque chose, je t'ai demandé un dalil, tu m'as cité en tout cas une source, tu ne m'as pas encore cité le dalil, mais on va dire que tu as cité le dalil. Yakfi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Exprime-toi, vas-y mon frère. Hein, il ne faut pas être gêné, mon frère. Cheikh Moukbir, rahimahullah, il te faisait se lever devant des milliers d'élèves. D'accord, allez, je vais t'aider un peu. C'est quoi le témoin argumentatif dans la preuve que tu as citée? Parce que tu as dit un point. Tu as cité une preuve sur ce point-là. Comment tu utilises cette preuve pour ce que tu as avancé? Ce qu'on appelle en arabe, wajh l'istidlal. Trouve-moi le passage dans le hadith. Vas-y. On est d'accord? Celui qui commet l'un de ses péchés et qui a été châtié en raison de cela. C'est ça la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? C'est quoi? C'est une autre situation. Qui veut? C'est pas toujours les mêmes qui participent. Ceux qui s'en font de la classe, là, qui baissent la tête. Non, c'est une expression. C'est pas... Hein? Il y a beaucoup de sourires, mais il n'y a pas beaucoup de paroles. Hein? Regardez la suite du hadith. Et on revient à ce qu'un des frères l'a dit d'ailleurs. Naam, ahsant, vas-y, continue. Fa amruhu. Ça veut dire quoi ça en français? Ahsant, mashallah, vas-y. Ça veut dire quoi ça? Et s'il veut, il le. Donc ça c'est clair ça, sur ce point là. C'est des points, on parle de l'aqida les frères ici. Hein. C'est des points importants. Vous allez voir qu'il y a des firaq, des groupes, des sectes égarées, des groupes égarés qui nous opposent par rapport à cela. Vas-y, vas-y. Je sais ce que tu vas dire, mais on va en parler, mais vas-y. Non, parce que n'oublie pas que Allah lui a caché cela, et lui ne s'en est pas repenti, et il est mort donc sans s'être repenti, donc il est châtié. Fil. D'accord. Peut-être, il est sous la volonté d'Allah. C'est ça qu'on est en train de dire. Si c'est pas, non, c'est pas. C'est Allah Azzajal qui, soit il va lui pardonner, soit il va le châtier. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des gens du Tawhid, tandis que les gens qui sont mécréants, ils vont en enfer éternellement. D'accord? Maintenant, tout ça va être un peu plus clair ici. C'est pour ça que, même si j'étais un peu dans des conditions un peu difficiles à la maison, j'ai vraiment tout fait pour essayer de préparer la suite de ce cours-là. Alors, il y a un article sur le site de Cheikh Ali Al-Haddadi, qui est un cheikh salafi qui, si je ne me trompe pas, vit à Riyad, parmi les cheikhs salafiens. Pas confondre avec la secte Al-Haddadi. Hein. Al-Haddadi, c'est son nom. D'accord? Hein? Parce que Al-Haddadi, c'est Nisbatan il Al-Haddad. C'est une affiliation Al-Haddad. D'accord? Donc, Cheikh Ali Al-Haddadi, Hafidallahu Ta'ala, il a un maqal, un article qui s'appelle, en français, le jugement de celui qui commet un grand péché. Ça tombe bien, parce que justement, c'est de ça qu'on parle. Alors, je l'ai fait comme ça parce que ça va être déjà sur SPF, Inch'Allah. Hein? J'ai pas eu le temps de tout terminer. Comme j'ai dit, j'en ai fait 80%. On va déjà faire ça et puis la semaine prochaine, on essaiera. Pas la semaine prochaine parce que je pars en voyage, Inch'Allah. Mais la semaine peut-être, ni d'après, parce que je serai encore en voyage, Inch'Allah. Mais la semaine, donc 1, 2, la troisième semaine, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, eh bien, on continuera ce cours, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ali Al-Haddadi, Hafidhahullah Ta'ala? Il dit. تنقسم الذنوب عند أهل السنة والجماعة إلى كبائر وصغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء numéro 31 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ما لم تغش الكبائر vous avez entendu le mot ici كفارة لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرِ Qu'est-ce que ça veut dire, Rawahu Muslim? Chez les gens de la sunna, les péchés se divisent en petits péchés et grands péchés. Si vous voulez, on peut dire quoi? Péché mineur et péché majeur. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et c'est un verset maintenant pour prouver ce qu'il dit, il dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, ici je n'ai pas la bonne traduction à la kulihal de ce verset, c'est nous expirons pour vous vos péchés, hein, jusqu'à la fin du verset, soit Nisa verset 31. À la kulihal, et d'après Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'une des cinq prières. Pourquoi j'ai traduit par de l'une des cinq prières? Parce que chez l'Éthiopie, dans Sahih Muslim, il explique que ce n'est pas des cinq prières aux cinq prières, mais c'est d'une prière à l'autre, en fait. D'une prière à l'autre. D'accord? De l'une des cinq prières, journalière prescrite, hein, à l'autre, et de la prière du vendredi à la prière du vendredi, il y a une expiation pour ce qu'il y a entre elles comme péché. Vous avez entendu ce qu'on a dit? Et c'est le titre de l'imam Ahmed qu'on a dit tout à l'heure, kafara. Hein, kafara, expiation. Et il y a une expiation pour ce qu'il y a entre elles comme péché. Écoutez la suite du hadith. Ma lam tourja al kaba'ir. Si des grands péchés ne sont pas commis. Si des péchés ne sont pas gros. C'est pour ça, regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Si vous évitez les grands péchés, hein, Alors quoi? Nukaffir ankum sayyi'atikum. D'ailleurs, c'est un point pour les frères qui ont assisté à ce cours-là. Vous vous rappelez qu'on a fait craint Allah où que tu sois de Cheikh Abel Javiri? Mais il a bien parlé de ça, il a bien expliqué cela, il a bien expliqué la condition, etc. D'accord? Il est sur notre site en audio et en PDF aussi également. Et le hadith que je viens de citer, il est rapporté par Muslim numéro 233. Et puis chéri, évidemment, par son bon enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il définit c'est quoi le kabira. Ce qu'il faut définir, c'est quoi le kabira. Cheikh Abel, il l'a fait dans le cours que j'ai dit crains Allah où que tu sois. Il avait expliqué c'était quoi le kabira, et il avait expliqué c'était quoi sagira, il avait donné des exemples des deux. Qui sait me citer un exemple de kabira? Évidemment, quand on fait référence à ça, c'est quoi? En dehors. Hein, on parle de kabir de noob, on ne parle pas de kufr ici, d'accord? Alors, hein, il dit shirk. Qui sait me citer un exemple? Hein? Ouais? Il y en a un autre que j'attends avant tout ça. Hein? Ouais? Hein? Hein? Et qu'est-ce que vous pensez de la désobéissance aux parents? Hein? D'ailleurs, le cheikh, c'est la première qu'il a citée. Al-kabira tu fi ta'rif al-mashur 'inda ahli al-'ilm kullu dhanbin khutima bi la'natin aw narin aw ghadabin aw bara'atin aw rutiba 'alayhi haddun aw wa'idun khass. Ça, c'est un ta'rif. C'est même ce genre de ta'rif là. Et puis, il donne des exemples. Wa min amthilati al-kaba'ir 'uquq al-walidayn wa qat' ar-rahim. Vous avez cité tout cela. Wazina, walliwat, wajahadat zur, walqadl, bighir haq, wakr riba. Alhamdulillah, vous avez cité tout cela. Walhukm bighir mi anzal Allah bidoun istihlal. D'accord? Il dit, et le grand péché est dans la définition connue chez les gens de science, tout péché scellé par une malédiction. D'accord, par exemple, dans un hadith, la'an Allahu, qu'Allah maudit celui qui a fait ceci ou cela. Ou le feu, fahwa finnar, par exemple. D'accord, hein? Ou la colère. Ou le fait de s'innocenter, comme le professeur qui dit par exemple, inni bari, je suis innocent d'eux. Ou falaysa minni. Ou qui nécessite une peine légale. Vous voyez ici? Qui nécessite une peine légale. Ou une menace spécifique. Une menace spécifique. Ça, c'est le ta'rif de l'kaba'ir. Ou plutôt de la kabira. D'accord? Et pour le hadith que j'avais dit tout à l'heure, l'une des cinq prières jusqu'à la fin, c'est une traduction que j'ai basée sur l'explication de ce hadith dans le Sahih Muslim de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 6, page 166 et 167. On continue. Wal kaba'iru la tukaffaru illa بالتوبة منها عند جمهور أهل العلم ولا يمتنع أن يكون من الأعمال الصالحة ما قد يحصل به تكفير جميع الذنوب. Puis il parle de حكم مرتكب الكبيرة دون استحلال. Il dit, et les grands péchés ne sont expiés que par le repentir chez la majorité des gens de science. On ne va pas rentrer dans trop en détail là-dedans, on se limite à ça. Et il n'est pas impossible qu'il y ait certaines actions vertueuses qui soient une expiation de tous les péchés. Et puis il parle d'un point très important, c'est pour ça que j'ai voulu vous rapporter cela ici, c'est حكم مرتكب الكبيرة دون استحلال. Le jugement de celui qui commet un grand péché sans le juger comme étant licite. Pourquoi? Parce que celui qui le juge en étant licite, c'est un kafir, c'est un mécréant, khlas. Mais d'accord, on ne parle pas de celui-là, nous. Premièrement, il dit أولا مذهب أهل السنة الجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان. C'est des termes que j'ai déjà utilisés qu'il faut vraiment maîtriser, que chaque salafi doit maîtriser. Donc les ulama, ils ont donné un autre nom que j'avais déjà donné, ils l'appellent comment? Al-Fasiq Al-Milli. Al-Fasiq Al-Milli. مذهب السنة الجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان ويسمونه مسلما فاسقا فلا يثبتون له الإيمان الكامل ولا ينفون عنه أصل الإيمان لأن الله عز وجل قد أثبت لمرتكب الكبيرة الإيمان فقال في القاتل بغير حق فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداه إليه بإحسان. سورة البقرة 178. فأثبت الله تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سورة الحجرات فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما متقاتلين أو متقاتلتين parce qu'il parle des deux filles ici. La voix des gens de la sunna du consensus est qu'il est un croyant qui a une foi diminuée. De qui il parle ici? Mais qui ne rend pas la kabira, celui qui fait une kabira, un grand péché, mais qui ne la rend pas licite. D'accord. Qui ne la juge pas licite. Il a dit, la voix des gens de la sunna du consensus est qu'il est un croyant qui a une foi diminuée. Et il l'appelle musulman pervers. Musulman pervers. Et il ne lui attribue donc pas la complétion de la foi. Ou si vous voulez quoi, une foi complète. Il ne lui attribue pas une foi complète. C'est qui fait ça? C'est quel secte qui dit que celui qui fait un grand péché, sa foi elle reste complète? Al-Murji'a. Hein? Donc les gens de la sunna, ils ne font pas ça. Ils n'attribuent pas la complétion de la foi. Et ne nient pas non plus qu'il est la base de la foi. D'accord? Car Allah le Très-Haut a affirmé que celui qui commet un grand péché est encore un croyant, et malgré tout un croyant. En disant au sujet de celui qui tue autrui sans aucun droit, ce dont la traduction du sens est, mais celui à qui son frère aura pardonné, vous avez entendu le Coran comment il est précis, celui à qui son frère, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, hein, son frère, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Sourate al-Baqara, verset 178. Qu'est-ce que le cheikh dit ici? Il dit qu'Allah Azza wa Jal, il a attribué donc ici la foi, ou plutôt pardon, la fraternité dans la foi, al-ukhuwa al-imaniya, entre qui? Entre celui qui tue et la famille de celui qui a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit min akhihi, de son frère, malgré que lui il a tué l'autre. Vous comprenez ça? Alors que tu en as dit quoi? Que c'est un grand péché. Donc Allah Azza wa Jal, il a quand même affirmé la fraternité dans la foi, al-ukhuwa al-imaniya, entre le qatil, celui qui tue, l'assassin ou le tueur, et awliya ad-dam, c'est-à-dire ceux qui ont le droit du sang. Wa qala ta'ala, puis c'est un autre verset, on a déjà cité, c'est toi qui l'avais cité dans un cours la dernière fois, quand j'avais dit, donnez-moi une preuve que le faire de fait un grand péché sans le rendre licite, ça ne fait pas sortir de l'islam. Tu m'avais cité ce verset-là, c'était quoi? Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Surat al-Hujurat, verset 9. Fa athbata lahuma al-shikhidi wasfa al-iman ma'a kunihima mutaqatilatayn. Qu'est-ce que le shikhidi ici? Un verset dans la traduction du sens est, et si deux groupes de quoi? Écoutez bien le mot ici. Wa in ta'ifatani min quoi? Min al-mu'minin. Min al-mu'minin. Et ces deux groupes de croyants se combattent. Donc malgré qu'ils se combattent, ils les appelaient comment? Croyants. Or le fait de se combattre, c'est quoi? Hein? De s'entretuer, c'est un grand péché, bilachak. Et ces deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Fa'aslihu baynahuma. Surat al-Hujurat, verset 9. C'est un verset qui est plus long. Il leur a donc affirmé, subhanahu wa ta'ala, à tous deux la tribu de foi, alors que tous deux s'entretuent, les deux groupes s'entretuent. وهكذا جاء في السنة النبوية ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. Encore une fois le même quoi? Hadith que qui a cité? Vous suivez les frères ou pas? Cheikh Rabi', hein? Le cours, si vous voulez, a tourné un peu autour de ce hadith là. Regardez encore une fois, c'est un autre cheikh qui cite pour le même point de croyance des gens de la Sunna al-Jama'a le même hadith. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء. Vous savez terminer en arabe maintenant. عفا عنه وإن شاء عاقبه. Comme on a vu tout à l'heure quoi? عذبه. فبايعناه على ذلك رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. Je traduis. Et cela a également été rapporté dans la sunna prophétique dans le hadith de Ubadah ibn Samit qu'Allah le Très-Haut, alors qu'il était au sein, le prophète sallam était au sein d'un groupe de ses compagnons, que le messager d'Allah sallam a dit, prêtez-moi allégeance sur le fait que vous n'associerez rien à Allah. On a déjà expliqué ce hadith. Et que vous ne volerez pas, et que vous ne forniquerez pas, et que vous ne forgerez pas un mensonge, ni devant vous, ni derrière vous. Et que vous ne désobéirez pas au sujet de quelque chose de convenable. Que vous ne me désobéirez pas au sujet de quelque chose de convenable. Dans l'autre qu'on a vu tout à l'heure, c'est « Wala ta'asouni »,« Wala ta'asouni ». Ici, c'est « Wala ta'asou » fi ma'rouf. Celui parmi vous qui tiendra cet engagement aura sa récompense auprès d'Allah, et celui qui commet quelque chose parmi ces choses interdites et qu'il aura, été châtié en raison de cela dans ce bas monde, eh bien cela est pour lui quoi? Une expiation. Et celui qui commet quelque chose parmi ces choses interdites, mais qu'Allah a caché son affaire, revient alors à Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il veut lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Ubadah ibn Samit, il a dit, nous lui prêtâmes alors allégeance sur cela. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais la formulation de ce hadith ici, elle est d'Al-Bukhari. Celle qu'on a, il a rapporté chez Al-Haddadi ici, elle est d'Al-Bukhari. Il y a encore une autre preuve sur ce qu'il avance. On fait sahihain min hadithi Abi Dar, ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, ma min abdin qala la ilaha illallah, thumma mat ala dalik, illa dakhal al-jannah. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر فدلت هذه الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة كتب ياسر فخاز تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه لكن آخر أمره إلى الجنة ولو كان يكفر بكبيرته من لكان من أهل النار خالدا فيها مخلدا. Là, les frères, vous êtes en train d'apprendre, inshallah, si vous savez déjà pas ça, ou c'est un rappel sinon, des bases chez les gens des la sunna du consensus. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a plusieurs bases qu'on va rapporter ici, inshallah. On traduit. Et dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari et le Muslim, d'après le hadith de qui? Retenez bien Abu Dharr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas de serviteur qui ait dit la ilaha illallah et qui meurt là-dessus sans qu'il ne rentre au quoi? Qu'il meurt là-dessus sans qu'il ne rentre au paradis. J'ai dit, c'est-à-dire qui? Abu Dharr. Et ce même s'il fornique et vole, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ce même s'il fornique et vole. C'est pas des grands péchés ça? Non, c'est des grands péchés. J'ai dit, qui encore? Abu Dharr. Et ce même s'il fornique et vole, il dit, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce même s'il fornique et vole. Encore une autre fois, je dis, c'est-à-dire Abu Dharr, et ce même s'il fornique et vole, il dit, et ce même s'il fornique et vole, et n'en déplaise à Abu Dharr. On ne va pas rentrer trop en détail là-dessus, mais c'est pas, il ne faut pas avoir une mauvaise, un mauvais soupçon vers Abu Dharr. Au contraire, comme Cheikh Al-Ethiopi l'expliquait dans Sahih Muslim, c'est montrer que les sahaba, ils étaient star des mondes. C'était pour eux de ce genre de comment je veux dire ça? Ce genre de péché, ils les voyaient comme grands. Parce que pour eux, c'était très très grave. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Et pourquoi j'ai traduit par n'en déplaise à Bouddha? Parce qu'il y a une longue discussion pour les frères qui veulent plus de détails sur Rahima Anfu. Qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? Qu'est-ce que les ulama disent? Eh bien, c'est, je vous donne une référence de Sharh Sahih Muslim de Charles Ethiopie. C'est volume 3, page 150 et suivante. Il y a plusieurs pages, rien que sur ce terme-là. Rahima Anfu Abidar. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. On continue. Et Abu Dharr, lorsqu'il rapportait ce hadith, lui-même, ce qu'il rapportait ce hadith après, il disait quoi? Il rapportait le hadith et puis il disait « وَرَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ » Et n'en déplaise à Abu Dharr. Ces hadiths indiquent donc que celui qui commet un grand péché est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Mais sa dernière destination est le paradis. Et s'il avait mécru en raison de son grand péché, il aurait fait partie des gens de l'enfer pour l'éternité. Donc on comprend quoi ici? L'erreur des Khawarij. Vous comprenez ou pas maintenant? Regardez les gens de la sunna. Et c'est à ça que je voulais arriver aussi, c'est qu'on regroupe entre les textes. Et c'est une règle que je vous ai déjà rapportée, et ça c'est parmi les règles les plus importantes. Et c'est une règle en or, si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses, croyez-moi. C'est que les gens de la sunna, quand ils étudient un point, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils font un j'aime entre le nusul shara'iyya. Pas comme al-bida', ils ferment un œil et ils laissent le trou ouvert, ils prennent que certains textes et pas d'autres. Ils prennent d'autres textes et pas certains. لا أهل السنة يبخن تو لتكست شيخ كما يديز العلماء يجمعون بين نصوص الباب C'est-à-dire que dans un sujet, dans un point de la religion, ils prennent tous les textes, ils les regroupent, ils comprennent les uns à la lumière des autres. Comme on va le voir dans un instant, inshallah. Ça va être très clair, inshallah. On continue. أما الدليل على نقصان إيمانه بكبيرته فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث جاء بخطي في الكور نمرو 14 أو 15 de أصول السنة الإمام أحمد رواه البخاري ومسلم فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس بكامل ولا يظن ظان بأن نفي الإيمان عنه نفي لإيمانه كله لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة دل على أن النفي إنما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان Regardez les qawaid qu'on prend ici dans les paroles des shuyukh de la sunna. On traduit. Je vous demande de faire attention parce que c'est un point très important. Tandis que la preuve, regardez ce qu'il a fait le shir. Regardez comment hein, l'évolution ici. Il a fait quoi en début il a fait que, il a prouvé que celui qui commet un grand péché, ce n'est pas un mécréant quand il ne le rend pas licite. Hein? Et d'ailleurs, j'ai oublié un des grands péchés qu'il a cité tout à l'heure. Je l'ai dit en arabe, je ne l'ai pas dit en français. Il a dit, le fait de juger par autre que la loi d'Allah, sans rendre cela licite. Hein, qu'on ne dise pas que je l'ai retiré sciemment. D'accord ? Je viens de me rappeler parce que je ne l'ai pas traduit et je voulais le traduire maintenant. Parce que j'ai oublié de le traduire tout simplement parce que j'ai fait ce dars assez vite aujourd'hui. À la Koulihal. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait après ça ? Eh bien, il rapporte qu'il n'est pas mécréant. D'accord ? Mais sa foi, elle est hein, diminuée. Naqis l'iman. Et là, rapporte la preuve, d'après Abu Huraira, qu'Allah le Très-Haut, l'agré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fornicateur ne fornique pas. Écoutez ce hadith, c'est un hadith que le Khawarij utilise. Hein. Il y a le hadith, il dit, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Il n'est pas croyant, khalas. Mais ils ne font pas quoi, hein? Jam'a. C'est pour ça que je vous ai dit que le Cheikh l'Islam ou Taymiyyah, dans Majma' al-Fatawa, premier volume sur l'Iman, quand on lui a posé une question de ce style-là, il a d'abord fait un ta'sil, il a apporté beaucoup de qawaid et de usul al-jama'a sur comment les comprendre ce genre de texte-là. Et puis après, il a répondu sur le hadith. Le fornicateur ne fornique pas en étant croyant. Et celui qui boit de l'alcool ne boit pas de l'alcool en étant croyant. Et le voleur ne vole pas en étant croyant. Et il ne prend pas quelque chose publiquement. On avait expliqué ce qu'il y a. « La yantahibu nahbatan yarfa'u annas ilayha fiha ilayha absarahum » Il ne prend pas quelque chose publiquement et avec force et prédominance en étant croyant. Donc, ce que nous dit Khawarij, khlas, il est quoi ? Il est, ah, il est kafir. On a un texte, ça y est, khlas. Et qu'est-ce que tu fais du verset ? Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qtatalu. Qu'est-ce que tu fais de la hadith ? Wa in sariqa wa zana. Le hadith qu'on vient de citer. Donc, vous comprenez pourquoi il faut regrouper les textes. Et écoutez ce que va dire les chers ici, parce que c'est technique, mais c'est très intéressant. Et sarahatan, c'est facile à retenir, inshallah. Hadith d'abord, il est dans Bukhari ou Muslim. Donc écoutez ce que dit le Cheikh, il dit ici. Cheikh Ali al-Haddadi, hafidahullah, il dit, donc lorsque la foi lui a été niée, c'est une indication que sa foi n'est pas complète. La yazni, il a dit. D'accord ? Hein ? La yazni. Zani, hina yazni, wa huwa mu'min. Donc lorsque la foi lui a été niée, c'est une indication que sa foi n'est pas complète et que l'on ne croit pas ici, ou que quelqu'un ne croit pas ici, que la négation de sa foi est une négation de toute sa foi. L'imanihi kullihi, comme il a dit, Cheikh Al-Ali Al-Haddadi. Car les hadiths expliquent les uns les autres, se clarifient les uns les autres. Donc si on a maintenant ici ce hadith-là, un tekfiri ou un khariji te dit, pour te dire que voilà, celui qui fait une kabira, eh ben, c'est un kafir. Qu'est-ce que tu lui réponds par quel hadith? Tu lui réponds par quel verset? Le verset de quelle sourate? Hujarat, verset 9. Et quel hadith? Le hadith de Abi Dharr, qui est rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim. Maintenant, tu ne connais pas le hadith, tu peux le rapporter ou pas? Ya khnam, ya cheikh, tu peux rapporter avec le ma'na. Ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, tu dois rapporter comme il est. Mais le hadith, tu peux rapporter bil ma'na, le sens. Hein? Et quand je dis tu ne connais pas, ça veut dire que tu ne connais rien, tu ne connais pas le sens. Ce n'est pas ça que je voulais dire, hein, mais tu ne connais pas le lafd. Hein? D'accord ? Voilà, ça c'est une preuve claire. Donc, comme des textes authentiques affirment, écoutez bien cette phrase parce qu'on va terminer là-dessus, elle est très importante, elle a tout son poids. Donc, comme des textes authentiques affirment que celui qui commet un grand péché est malgré cela un quoi ? Un croyant, un mu'min ? C'est une indication que la négation de la foi n'est qu'une négation de la complétion de la foi. Obligatoire, et n'est pas une négation de la base de la foi. Parce que qu'est-ce qui fait retirer l'asl iman, c'est quoi c'est ? Ce qu'on appelle nawaqid al-iman. Hein ? Les annulations de la foi. Et puis il dit, وَقَدْ خَالَفَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Attention, il faut dire خَالَفَ أَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Parce que أَهْلَ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Ils n'ont pas transgressé la sunna, ils ont été transgressés, ils ont été opposés. وَخَالَفَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فِي هَدِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ Il est là le sujet du verbe. ثَلَاثُ فِرَاقٍ ضَالَّةٍ وَهِيَ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَأَهْلِ الْإِفْرَاتِ وَالْمُرْجِئَةِ أَهْلِ التَّفْرِيطِ Et ces trois groupes, s'opposent sur ce point aux gens de la sunna. Et trois groupes s'opposent sur ce point aux gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna al-jama'a, al-salafiyoun, ahlul athar, ahlul hadith. Et c'est qui ces trois groupes qui s'opposent à eux? C'est, on les a cités, c'est lesquels? Khawarij, al-mu'tazila et al-murji'a. Donc on a dit al-khawarij et al-mu'tazila qui sont d'un côté les extrémistes et al-murji'a qui sont d'un autre côté les laxistes. Ahl al-ifrat, c'est qui? Al-mu'tazila ou al-khawarij et ahl al-tafrit, al-murji'a. Ahl al-sunna, wasatun. C'est pour ça que Salaf disait, les gens de la sunna, ils sont sur le juste milieu entre les différents groupes, hein, égarés, comme, quoi? Eh oui, les frères, comme? Non? Non, comme l'islam, comme les musulmans sont entre, leur voie du juste milieu entre les, hein, entre les autres religions. Suivez ou pas les frères? Hein? D'accord? Maintenant, il convient de faire quoi? On a rapporté le madhab d'Ahl Sunna al-Jama'a, oui ou non? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Rapporter le madhab des Khawarij, rapporter le madhab de Mu'tazila, rapporter le madhab de Murji'a, et on va commencer, Inch'Allah, le cours prochain par le Murji'a, puis le Khawarij, puis le Mu'tazila, Inch'Allah. Et on va s'arrêter là-dessus, et ce sera pour... j'ai pas fait exprès pour garder le suspense, mais simplement, j'ai pas pu terminer le cours. Hein. Je travaille dessus depuis hier soir, j'avais des ouvriers à la maison, mes livres étaient un peu partout dans la maison, etc. Et malgré ça, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. A la kulli hal. Wa jazakum allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, on se voit quand? 3 semaines, qui a un agenda ici. Donc, ça fait... samedi 27, non. Hein? Donc, pas samedi prochain, pas samedi 27 non plus, Inch'Allah. Parce que je serai en voyage. Donc, c'est le samedi 3 novembre. Inch'Allah, si tout va bien, si on est encore en vie, si tout va bien, Inch'Allah. Allez, kouli hal. La base, ça c'est une règle. Hein? La base, c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Hein? Comment est-ce qu'on voit le contraire? C'est un dalil de Twitter ou la DSPF Birmingham ou là un texte, d'accord, hein? Que ce soit clair. Tu crois? Ah ben sûrement on le fera après l'Aïcha aussi. La base, c'est après le Maghreb, jusqu'à preuve du contraire. Inch'Allah. Barakallahu fikoum.